Une radio locale, citoyenne et solidaire depuis 40 ans. Fadjet présente le quart d'heure de 15 minutes. Interprété par les animateurs de Fadjet, d'après les nouvelles de Bruno Léandri, du mensuel Fluide Glacial. Attention, ça commence. Centrale nucléaire. L'énergie nucléaire est une industrie très pointue. La moindre erreur peut avoir des répercussions désastreuses. Heureusement, dans chaque centrale, le moindre élément incompétent est repéré immédiatement. Depuis 3 jours que je devais réparer une fuite, et j'avais enfin trouvé le temps de venir à cette adresse. Et je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Le client en question, c'était une centrale nucléaire. Ils ont dû faire une erreur. Je me suis présenté au bureau du chef de service. Entrez. Devant moi, je vois un gars en train de colorier un long livre pour enfants en tirant la langue. Bonjour, Frédéric Danquin, Plomberie Service. Frédéric Danquin, Plomberie Service. Ah, pardon, je n'avais pas vu venir. J'ai pourtant frappé, on m'a dit d'entrer. Ah oui, j'avais oublié. Regardez comme il est joli mon dessin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais au fait, je me présente. Édouard Carpio, chef de service. Et vous, qui êtes-vous? Frédéric Danquin, je suis plombier. Vous m'avez téléphoné il y a 3 jours. Ouais, le plombier. Ah bah c'est pas trop tôt. Allez, venez vite, ça fait une semaine que ça fuit. Allez, suivez-moi. Ce qu'on m'avait pas dit, c'est que c'était une centrale nucléaire. Hein? Allô? Qu'est-ce que ça change? Un tuyau, c'est un tuyau, non? Je croyais que vous aviez vos équipes. Nos équipes? Oh, m'en parlez pas. Bon, allez, venez vite, madame la directrice de la centrale sera rudement contente de vous voir. Allez, allez, suivez-moi, c'est par là. Pourquoi? Ce sont ces toilettes qui fuient. Il est marrant, lui. Ces toilettes, non, vous y êtes pas, c'est le réacteur qui fuit. Réacteur? Ah, mais ça va pas la tête, je sais pas faire ça, moi. Oh, si vous êtes plombier, vous savez le faire. Eh, entre nous, c'est aussi simple que des toilettes, hein. C'est rien que de la flotte qui passe dans des tuyaux, en fait. Ah, mais c'est radioactif, vous êtes fou, n'en est pas question. Radioactif? Il a dit radioactif. Ah, impayable, ce plombier. Eh, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu celle-là. Ah, voilà, madame la directrice. Vous avez entendu? Il a dit radioactif. Il est cinglé, ce gars-là. Ah, enfin, le plombier. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Frédéric Danquin, Plomberie Service. Vous venez pour la fuite? Ben, c'est-à-dire, je savais pas que... Oui, là, la salle de contrôle. C'était un chantier pas possible dans la salle de contrôle. Il y a des techniciens qui dorment à moitié en regardant les écrans de surveillance qui diffusent des feuilletons américains. Dans un coin, 2 types peignent sur une console de contrôle des dessins obscènes. Et à l'autre bout de la pièce, un type balèze donne des grands coups de marteau sur un tableau de commande. Et puis il y a un gars qui joue au flipper, dans un coin. On se croirait dans un bar. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce chantier? Bréchard, qu'est-ce que vous faites? C'est ce satané dispositif d'alarme qui arrête pas de se déclencher, chef. On en a marre. Il n'y a même plus moyen de jouer au flipper. Le flipper? Vous avez réussi à le réparer? Ouais, on l'a mis à la place de l'ordinateur central. Ça n'a pas été facile de le déconnecter. Avouez que c'est tout de même plus marrant que les jeux vidéo à la con. Les gars qui ont programmé les bécanes de maintenance, ils étaient pas très doués pour les distractions. Super! Poussez-vous de là, c'est à moi la première. Le dernier paye la tournée. Bah, ils sont fous. Non, non, non. Des grands enfants, c'est tout. Vous voulez un café avant qu'on aille voir cette fuite? C'est dans le circuit primaire. La fuite ou le café? Les deux, j'en ai bien peur. Tenez, j'en étais sûre. Regardez-moi ce travail. Là, vous voyez cette aiguille dans le rouge? Ça veut dire que ces garnements font exprès de laisser monter l'échauffement dans l'armoire de confinement d'uranium, rien que pour tenir leur café au chaud. Mais c'est... Ah, voilà la cafetière. Combien de sucre? Mais c'est radioactif. Allons, pas du tout. Un instant. Tenez, si vous voulez en être sûr, il doit bien y avoir un compteur GGR dans ce bric-à-brac. Où l'ont-ils foutu? Ah, en voilà un. Regardez. Rien du tout. Mais il est foutu, votre compteur. Mais non, c'est juste de la poussière. Là, vous voyez? Pas le moindre petit roadgun. Alors, vous êtes rassuré? Regardez, là, c'est vide. Il n'y a pas de pile dans votre compteur. Ah oui, c'est vrai ma foi. Eh oh, Bréchard, Carpio. Navarre, j'avais l'extra-balle. De toute façon, c'est Roger qui paye la tournée. Oui, madame la directrice. Vous n'avez pas un compteur Gégère en état de marche dans cette centrale? Oh, bah non, ça se saurait. Bon, on y va voir cette fuite. Vous êtes tous fadas, je veux m'en aller. Bah non, venez avec nous, on va vous expliquer. Vous vous trompez. Le compteur en état de marche aurait donné zéro tout autant. Pour la bonne raison que, je peux vous le dire à vous, il n'y a pas un gramme de combustible radioactif dans cette centrale. Mais pourquoi? Comprenez-vous, dans l'industrie nucléaire, tout employé incompétent est un danger en puissance. La seule façon d'éviter les catastrophes, c'était de les réunir dans une centrale inactive, là où ils ne peuvent pas nuire. Ici, on peut les surveiller, tandis que si on les licenciait, ils s'envoleraient dans la nature, se feraient peut-être réembaucher, et Dieu sait les cataclysmes qu'ils pourraient provoquer. Ah, d'accord, je comprends. Dans cet établissement, ils peuvent commettre toutes les négligences imaginables, sans entraîner la moindre conséquence. Alors, tout le monde est incompétent ici. Tout le monde est incompétent. Sauf moi, bien sûr. Ah. Vous avez vu comment je maintiens tout ce petit monde? Tout roule à merde. Alors cette centrale ne fonctionne pas? Pas le moins du monde. Elle ne produit pas d'électricité? Pas un watt. Rien du tout. En ce cas, pourquoi avez-vous besoin d'un plombier pour réparer le réacteur? Mais vous avez raison dans un sens. Carpio, pourquoi a-t-on besoin d'un plombier? Oh, bah pour réparer la fuite, tiens. Vous savez bien faire ça, vous, le plombier. Bah, je sais pas, je n'ai jamais réussi jusqu'à maintenant. Ouais, ouais, super. Parfait, bravo. Vous êtes l'homme de la situation, on vous embauche. Fadjet présente le quart d'heure de 15 minutes. Interprété par les animateurs de Fadjet, d'après les nouvelles de Bruno Léandri du mensuel Fluide Glacial. Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette dernière ligne droite de notre super marathon radio. On est encore à l'antenne pendant 1h20 pour clôturer et conclure ces 40 heures de live. On vous le rappelle, mobilisation générale ici à Fadjet avec plein d'animateurs, d'animatrices, des techniciens, des partenaires. On a compté à peu près ces 100 personnes qui étaient à l'antenne sur Fadjet en direct depuis vendredi soir 20h. Donc déjà un grand merci à tout le monde. On va clôturer tout à l'heure avec tous les bénévoles qui sont présents aussi aujourd'hui, certains qui ont fait la nuit, et on a une petite surprise, on vous le rappelle, donc restez bien à l'antenne avec nous sur Fadjet. Ce que vous venez d'écouter, bah là c'était retour vers le futur il y a 25 ans, le fameux quart d'heure de 15 minutes. Alors les fidèles de Fadjet, vous connaissez forcément, et bah, pour rester aussi dans le concept, hein, le quart d'heure de 15 minutes, là, il faisait 6 minutes 50, parce que c'était ça aussi le concept. Enfin, il y en avait deux, c'est ça le... Mmh. On a des créateurs de ce super produit radiophonique qui a été créé au début des années 2000, également tous ceux qui ont pu contribuer. On va faire un petit tour de table. Alors, nous avons bah déjà les permanents qui sont là depuis longtemps. On va rediscuter aussi, vous faites partie des murs. Hein. Bah, on est permanents. Yves, voilà. C'est pour ça. Yves, bonjour, oui, bonjour responsable Aurélie. D'antenne. Ça va? Pas trop fatigué? Non, ça va, j'ai dormi un petit peu quand même. Comme nous, voilà. Quelques heures. Donc, je disais, hein, tu fais partie des murs, t'es là depuis combien de temps? Depuis les premiers pas, c'est 1993. Le siècle dernier. Ouais, le siècle dernier. Hashtag coup de vieux. On l'a sorti depuis vendredi. Voilà. On a sorti au moins 40 fois, tu l'as sorti celui-là. Voilà. Ben oui, mais je crois que c'est vraiment ça depuis vendredi soir. Il est plus fort que le hashtag 40 ans Fadjet qu'on a voulu mettre en place, mais le hashtag coup de vieux, voilà, C'est de l'expérience. Effectivement. Jean-Luc à tes côtés. Salut Jean-Luc. Salut Aurélie. Notre responsable technique, et on va en reparler hein, aussi, qui se faisait plaisir sur les quarts d'heure de 15 minutes avec les bruitages et tout ça. Jean-Luc, toi, t'es là depuis quand? 29 ans de Fadjet. Il n'y a pas 29 ans, 29 ans de Fadjet. Ouais. Voilà. Donc un petit bout de temps. Un petit bout de temps, ouais, ouais. On a fêté les 15 à peu près. 3 décennies. C'est ça. On a vu l'évolution de la radio sur le plan technique. Bah surtout, oui, sur le plan technique, ouais, c'est sûr qu'on en reparlera tout à l'heure, parce qu'on va, à 11h, on va redémarrer aussi avec Fabienne, qui était là au début, qui va aussi nous parler de quand elle allait, ils allaient changer les cassettes en pleine nuit pour continuer la diffusion. Ouais, c'était autant des dinosaures, là, c'était. Mais, les vacances. Oui, malheureusement. Toi, tu vas pas pouvoir négocier d'augmentation si tu parles de dinosaures. Hein. Attention. On poursuit le tour de table. Benoît avec nous. Salut, Benoît. Bonjour. Un ancien aussi, oui, moi, 88. Hein. Donc, calculé, ça fait. On remonte le temps, 37. J'ai 37 ans. Voilà, donc 37 ans de Fadjet. Ouais, voilà, 37 ans de Haute 40, 37 ans de radio. Voilà, je suis jamais quasiment parti depuis qu'on était de l'autre côté au 49 rue Charles III où, comme tu dis, avec Fabienne, on changeait les cassettes, on se relayait et on mangeait aussi dans les studios alors que c'était totalement interdit. Jean-Luc, le regard qui tue. Il y a prescription. Il y a prescription, c'est sûr. Mais voilà, c'était une époque où voilà, moi j'étais au lycée à côté, je venais les midis faire de la radio avec des potes. Et donc voilà, on mangeait sur un coin de table et on échangeait. Parce qu'il faut voir, alors ça sera pour les gens, on remettra certainement des petits albums, des archives. C'est ce qu'on a montré aussi aux gens qui sont venus hier, les anciens studios, les années 80-90. Il y avait un rideau qui séparait. On ouvrait le rideau, c'était la cuisine. Il y avait le studio. Le rideau et la cuisine qui étaient juste derrière, donc c'était pratique. Voilà, c'était pratique. Une pièce sans fenêtre, hein, je précise. Pièce sans fenêtre, c'est une cave. C'est vraiment un peu à la cave, mais c'est vrai que c'est une époque qu'on n'oublie pas. Tous ceux qui ont séjourné quelques mois, quelques années, se rappellent de cette ambiance-là, cette époque-là. C'est l'époque des premières radios FM, donc forcément, c'était pas comme aujourd'hui. Maintenant, on pourrait plus faire ça. Bah non, parce que là, on voudrait pas surtout aller changer les cassettes. Non, on voudrait pas, c'est sûr. Qu'à l'époque, t'arrivais avec tes CD, tu t'arrivais à n'importe quelle heure, tu démarres une émission. Et voilà, c'est. Voilà. Non, maintenant, c'est pareil, attention, il y a une grille des programmes. Hein. Ouais, t'as pas de conducteur, tu rentres pas. Voilà. Exactement. Ouais, alors qu'à l'époque, non. On avait envie de passer un disque. Oh non, celui-là, on peut pas mettre autre chose. On allait chercher un disque et hop. Voilà. À l'ancienne. Alors je termine juste le tour de table, on revient sur tous les souvenirs. Il y a Christophe qui est revenu nous faire un coucou. Rebonjour. Rebonjour. Donc Christophe qui était avec Brigitte juste avant pour la tranche à partir de 10h. Christophe, toi aussi t'es resté un sacré bout de temps à Fadjet. 95-2005, j'ai été au départ bénévole, j'ai été salarié, j'ai fait un peu tout ici. Et notamment, donc, sur ce fameux quart d'heure de 15 minutes, on va y revenir. Edith est avec nous également. Pour ceux qui nous ont suivis, bonjour. Salut Edith. Pour ceux qui ont suivi et qui nous suivent peut-être depuis 40 heures, alors s'il y en a qui sont vraiment sur Fadjet, sur le live Facebook ou depuis 40 heures, il faut nous le dire. Hein, parce que là, on vous enverra un petit badge ou un petit tote bag spécial 40 ans. Parce que là, c'est chapeau, franchement, si vous êtes incollable sur tout ce qui s'est passé. Aussi, hein, que vous êtes voilà. Quand même. Et donc Edith, hier tu étais déjà sur l'émission, donc toi aussi, désolée, une ancienne. Bah oui, au 90, donc effectivement, l'époque cassette, l'époque où le soir on se disait, bah tiens, j'aimerais bien écouter de la musique, parce qu'on se faisait des petites soirées dans la pièce centrale, et puis on se disait, bah on n'a rien pour écouter la musique, allez c'est pas grave, on va changer les programmes, on se passait nos disques et il n'y avait personne pour nous reprendre. Mais maintenant, il y a Yves et Jean-Luc qui sont hyper carrés. Ah oui, non, à l'époque, c'était les Étienne. Il y avait deux Étienne pour nous. Ils étaient là la journée. Donc, quand on venait le soir, on avait les clés, on faisait un peu ce qu'on voulait. Bon, après, le soir, oui, ça peut aussi... Ouais. Puis Ghislain est arrivé. Ça, mais oui, Ghislain est arrivé. Voilà. Il a bien tout recadré. Jean-Luc est arrivé à peu près dans les mêmes temps. Alors voilà, c'était même plus la peine. Oh, je peux venir faire... Non. Bon, ok. D'ailleurs, si vous avez écouté Ghislain hier, entre midi, il a bien employé le terme recadré. Je suis arrivé et j'ai recadré. C'était indispensable. C'était indispensable. Si vous voulez évoluer, c'était indispensable. Mais si vous vouliez que les gens vous écoutent, à un moment donné, il fallait peut-être que ce soit un peu plus coordonné. Exact. Mais on avait nos fans quand même à l'époque. Même si c'était un peu désordonné. Qui aimaient bien nous suivre, ouais. Alors, ce fameux quart d'heure de 15 minutes, c'était une émission emblématique. Hein. On a encore des gens qui nous en parlent, qui se souviennent, qui ont été marqués par ces épisodes travaillés. Donc, c'était des scénarios qui étaient enregistrés ensuite, donc en mode acting, avec également plein de bandes-sons. Donc, c'est ce qu'on a écouté tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut retrouver ? On peut retrouver des archives en ligne, Yves ? Oui, sur le site archive.org, on peut remettre, on en retrouve. Pour ceux qui veulent aller en réécouter. Exactement. Alors, comment il est né, ce projet ? Christophe. Alors en fait, à l'époque, je co-animais une émission sur la bande dessinée avec mon collègue Daniel. Et on lisait entre autres le magazine Fluide Glacial à l'époque. Et dans Fluide Glacial, tous les mois, il y avait une nouvelle, en fait, de trois pages, écrite par Bruno Leandri, sur une tonalité, on va dire, un peu absurde, quoi. Genre histoire à chute, avec une réalité qui dérape, quoi. Ça nous plaisait bien dans l'esprit. Et Daniel a eu l'idée, en fait, et si on essayait d'adapter ça pour l'antenne? Et ça vient aussi de, parce que précédemment, il y avait des expériences de il y a déjà eu, radiophoniques. Benoît avait déjà créé un feuilleton qu'il écrivait lui-même d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Alors ça, là, on est un peu juste avant. C'était les septembre 96, de 96 à 99. Il y a eu ce collectif d'animateurs qui se réunissait régulièrement une fois par mois pour enregistrer une série qui était un peu feuilletonnante, qui s'est appelée Résidence Jean Lamour, la deuxième saison. C'est appelé Les Coulisses de l'Audace. C'était des gens qui habitaient dans un immeuble et puis qui leur arrivait plein de choses. Et c'est vrai que ça a fédéré beaucoup les animateurs à une époque, et puis à un moment donné, tout a une fin, et c'était quand même très compliqué. On a fait avec Jean-Luc des heures et des nuits, des journées entières à monter, parce qu'à l'époque, on en reparlait encore tout à l'heure, on n'avait pas les moyens qui existaient, le montage était plus compliqué, et comme on associait les bruitages et tout, on passait des journées entières à monter des épisodes d'un quart d'heure, 20 minutes, et donc à un moment donné, ça s'est arrêté, et justement, après un ou deux ans sans... Je crois que l'année d'après. L'année d'après, voilà, cet autre projet est né pour poursuivre l'aventure. Alors, avant de rentrer juste Jean-Luc, en fait, on disait qu'il avait des doigts de fée. Il avait un appareil qui s'appelait le DR4. Mmh. On l'a revu, là, parce qu'il a été ressorti dans le hall d'accueil de Fadjet pour les 40 ans. Et alors, il appuyait, en deux secondes, il avait appuyé sur 20 boutons en même temps, et il avait déjà fait le montage du son qui venait d'être pris, et c'était assez impressionnant. Mais ça prenait quand même beaucoup de temps. Alors c'était une vraie question. Un épisode, donc 6 minutes 50, on voit tout le travail, c'est-à-dire qu'il faut enregistrer les voix. J'imagine qu'il faut plusieurs prises. Voilà. Il faut déjà tout travailler en amont, si le scénar, et se dire quel est l'habillage qu'on va mettre. Combien d'heures? Oui, elle n'est pas bonne, on l'a refait. Parce que... avec Jean-Luc, j'imagine. Exactement, ça n'a pas changé, ça c'est une valeur éternelle. Jusqu'au bout. C'est bien de vouloir atteindre aussi la perfection. En fait, toute la maison était exploitée. Il y a trois niveaux sur cette maison. Donc, au rez-de-chaussée, on répétait en bas, on distribuait les rôles. Venait qui voulait. C'est-à-dire que c'est ça qui était par rapport au feuilleton où chacun avait un rôle précis. On ne pouvait pas ouvrir. Dans le quart d'heure de 15 minutes, il y avait des stagiaires comme il y avait des gens qui étaient là tout à chaque fois, samedi par mois. Et venait qui voulait. Et donc, on distribuait les rôles, on les répétait en bas. Au deuxième étage, là où il y a des bureaux, il y avait déjà des bureaux, mais on installait des pieds de micro, etc. Jean-Luc était dans son studio. Dans mon studio. Ah, on ne le voyait pas avec nous, alors il avait encore plus facile à nous dire. Il y avait un haut-parleur qui était. C'était la voix. En fait. C'était la voix. C'est comme dans Et puis il y en a qui répétaient aussi à l'étage au-dessus. Voilà. Donc c'était vraiment. Mais avec Jean-Luc, tu n'auras jamais. C'est tout pour le moment. Il y a toujours plus, il faut toujours mieux. Mais bien vu. Mais en tout cas, ça marquait vachement l'époque de la radio. Oui, mais moi, je me souviens, les premières fois où je suis venue à Fadjet, ça existait déjà, et c'est vrai que ça mobilisait plein de monde, et c'était quelque chose que tout le monde avait envie de pouvoir éventuellement y participer, parce que c'était assez emblématique. Oui, même les CES qu'on avait à l'époque, des jeunes en contrat aidé, qui étaient là, qui n'avaient pas du tout, qui se faisaient juste venir faire un peu de technique, et qui se retrouvaient à avoir un petit rôle dans un épisode, mais juste deux, trois lignes. Ouais. Ils étaient super heureux. Et même s'il recommençait 15 fois à cause de Jean-Luc. Bon, je crois qu'il va falloir prendre des engagements pour ces 40 ans et pour ceux qui sont motivés, relancer ce quart d'heure de 15 minutes. Ça vous pourquoi dit pas faire une journée spéciale pour les 40 ans autour de ça? Pourquoi pas, un jour Jean-Luc ferait les bruitages en direct. Non on a déjà fait un épisode en direct, en fait. C'est arrivé une fois. Les acteurs étaient autour de la table, Jean-Luc aux manettes qui envoyait les bruitages. Je ne sais plus à quelle occasion, mais ça... c'était une soirée bien arrosée, on savait plus ce qu'on faisait. Ça doit être ça. Moi, j'aimerais juste qu'on réécoute le générique. On l'a écouté tout à l'heure, mais parce que pour tous ceux qui nous écoutent, peut-être qui viennent juste de nous rejoindre, je suis sûre que pour ceux, les fidèles de Fadjet en tout cas, ils vont entendre ce son, c'est quelque chose. Fadjet présente le quart d'heure de 15 minutes. Interprété par les animateurs de Fadjet, d'après les nouvelles de Bruno Léandri du mensuel Fluide Glacial. Moi, je me souviens, c'est vraiment les premières notes. Accroche. L'accroche, vraiment, et qu'on reconnaît bien. Et donc, ça a duré combien de temps ? Oh, ça, je ne me souviens pas exactement. En fait, il y a eu deux périodes. Il y a une première période où on a adapté donc, les épisodes qui paraissaient dans Fluide Glacial. Et une deuxième période où on s'est dit, pourquoi on ne se lancerait pas ? Oui, il y a et eu en la fait, création aussi. Hein. On a écrit nous-mêmes des épisodes dans le même esprit. Tout le monde en pouvait en proposer. C'était vraiment fabuleux. Au total, il y a une soixantaine d'épisodes. Il y a une trentaine, quarantaine d'épisodes de Léandri et à peu près l'équivalent. Il y a eu des épisodes qui ont été enregistrés qu'on n'a pas pu monter. Mais bon, on les refera un jour peut-être. Bah on fera peut-être un lien sur le site, un petit article retour vers le futur. Voilà, et qu'on mettra sur le site de la radio avec le lien pour aller écouter tous les épisodes. Mais ça fait partie, voilà, c'est caractéristique de cette période-là aussi à Fadjet. C'était aussi cette mobilisation qu'on a retrouvée sur ces 40 heures, où là, il y avait plein de monde ensemble, qui créait ensemble. C'était pas simplement une personne qui allait faire son émission. Donc c'est assez représentatif de l'esprit de Fadjet. C'est un projet transversal. L'idée était qu'on pouvait intégrer tout le monde, même des amis d'amis éventuellement. Et l'avantage, c'est que au bout d'un moment, en fait, techniquement, le montage s'est simplifié, c'est devenu informatisé, donc tout le monde pouvait participer. Au début, il y avait que Jean-Luc qui pouvait faire le montage, ce qui limitait la production, forcément. On y passait beaucoup plus de temps, et par la suite, plusieurs personnes ont pu s'en occuper, c'était l'avantage. Voilà, une sacrée période. Mais oui, ça se terminait toujours aussi, comme souvent avant, un repas le soir et une soirée jeu jusqu'à point d'heure. C'est vrai. Ça n'a pas changé, Fadjet. C'est plus qu'une radio. Qui a créé des liens vraiment avec toutes les personnes de cette époque-là. C'est des liens qui restent. On se revoit, même si ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. On a l'impression de cette vue hier. De cette vue hier. Pas cette quitter, c'est vrai. Mais on a imaginé aussi ce week-end, il y a plein d'anciens qui sont revenus et ils se sont dit c'est vrai que c'est quand même sympa. Et ça titille un petit peu certains, si je vais peut-être revenir faire de temps en temps des petits trucs. Et parce que ce fameux virus radio, il est réel, quoi. Il y a plein de gens en se disant à un moment donné ça peut manquer un petit peu. Donc vu que on a pris des engagements aussi depuis vendredi pour les 80 heures de live, ça laisse 40 ans pour qu'il y ait encore plein de nouveaux bénévoles et puis pour que les anciens reviennent. Edith. Alors, un autre projet qui fédérait aussi, il y avait l'Académie Fadjet que Benoît avait lancé encore après, je ne sais plus en quelle année. Là, on est les années 2004. C'était des quiz pendant le vendredi soir, mais pareil, du coup, ils prenaient des animateurs petit peu toutes les émissions, ce qui fait que ça a créé des liens entre les émissions. Des émissions comme ça, c'était vraiment super sympa, le fait de pouvoir créer du lien entre chacun. Mais je me suis engagé ce matin à clore les 40 ans en réorganisant une espèce de petite compétition interne pour le mois de décembre. Voilà. Et j'ai travaillé ça d'ici. Que d'engagement ce week-end. Non, puis l'Académie Fadjet est revenue à l'occasion des 40 ans. Enfin, sur les deux tranches que tu as faites de moi ce matin. C'était pas trop. On a moins joué qu'on jouait d'habitude. Il y avait moins de compètes. Parce que, à 6 heures du matin, c'est pas facile. Mais c'était sympa. On a retrouvé une bonne ambiance, c'est vrai. Un petit message. Moi, je voulais demander à Christophe ou Benoît, on te retrouvera après. Mais est-ce que. Un petit message peut-être pour Fadjet, pour cet anniversaire ou pour son avenir ? Eh bien, déjà que ça continue tel que c'est, dans l'esprit, en fait. Hein. Bien sûr, comme vous avez tous expliqué, les débuts, c'était vraiment confiné, on va dire. C'est rien à voir à ce que c'est devenu Fadjet, mais il reste un état d'esprit qui, je pense, perdure au fil des années. Et je souhaite que cet esprit continue encore longtemps. Oui, bah on fait tout en tout cas pour le conserver aussi. Et je pense que ce beau week-end avec toute cette mobilisation, bah c'est la preuve que voilà, cet esprit, on parle beaucoup de valeurs voilà, humanistes, cet esprit très chaleureux aussi, cette maison Fadjet, cet esprit de famille, bah, il est toujours là. Et on espère bien qu'il soit là encore au moins pour 40 ans. Au non minimum, on s'engage. Minimum. Et l'appellation radio locale qui n'est pas galvaudée puisque Fadjet est intégré dans son quartier et dans la vie de Nancy en fait. Exactement. Et encore pour de nombreuses années. Un grand merci Christophe, Edith, Benoît. De toute façon, on va peut-être vous retrouver après. Yves et Jean-Luc, on vous retrouve aussi juste après. On va clôturer, c'est la toute dernière heure de ce marathon radio qui arrive, 11h midi. On va terminer, alors je ne vous donne pas de programme parce qu'il n'y a pas vraiment de programme. Il y a plein de bénévoles dans la maison, tout le monde va venir, tout le monde va pouvoir témoigner un petit peu de ce qu'ils ont fait ce week-end, de ce qu'ils ont vécu ici. On a des anciens aussi de Fadjet qui vont venir nous rejoindre. Restez avec nous, dernière heure de live et méga surprise aussi, donc restez attentifs. Vous pouvez nous suivre bien sûr en FM sur le fadjet.net en DAB+, et sur l'appli Radio Player et en live Facebook. On se retrouve tout de suite. Fadjet. 40 ans, 40 heures de live. Happy birthday. Salut, c'est 21 juin le duo. Ça y est, c'est la dernière heure de direct. Félicitations les amis, ça fait 40 heures de live sur Fadjet. Joyeux anniversaire. Et bonne nuit. Ça t'a apporté quoi dans ta vie ? Beaucoup de contacts, beaucoup de connaissances, de la bonne humeur au quotidien. On prépare l'émission pour une heure d'émission, mais on fait des rencontres très sympathiques et c'est avec bienveillance que l'émission se fait. Plein de choses. Être à Fadjet, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes super, rencontrer beaucoup de personnel, de bénévoles, toute l'équipe de la radio qui est vraiment géniale. Mais ça m'a aussi permis d'avoir beaucoup plus de confiance en moi et pouvoir prendre la parole en me sentant en tout cas beaucoup moins timide. Qu'est-ce que ça a apporté à ma vie ? Bah déjà une recherche de l'information pour les chroniques, se tenir au courant de l'actualité, retrouver un lien social puisque je suis en retraite maintenant, donc je ne travaille plus. C'est déjà pas mal. En 2025, Fadjet fête ses 40 ans. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Fadjet, il est 11h et presque 2 minutes, donc ça veut dire qu'il nous reste 58 minutes pour terminer, clôturer ce marathon. 40 heures de live depuis vendredi soir 20h, une cinquantaine voire presque 60 bénévoles qui se sont relayés même les nuits pour tenir l'antenne et puis pour arriver jusqu'à ce jour midi pour les 40 ans de Radio Fadjet. On est vraiment très contents, en plus il y a plein de monde dans la maison. On voulait déjà avant que, parce que là ça va être un peu freestyle jusqu'à midi parce qu'il y a plein de monde qui va venir témoigner, donc on va remercier déjà tout le monde tout de suite, tous les partenaires, tous les fidèles qui sont venus hier. On a ouvert les portes de Fadjet, on a eu énormément de monde toute la journée, plein d'auditeurs, des anciens qui sont venus nous voir, qui ont témoigné. On a plein de photos, vous allez voir ça sur les réseaux. En tout cas on est très contents. Peut-être on va juste un petit mot, Fabienne. Donc Fabienne Marchal, notre directrice, on est un peu sur un nuage depuis vendredi soir. Hein. Oui, exactement. Je sais plus trop comment on s'appelle, mais c'était un week-end vraiment de folie et tellement de bonheur. D'amour, tellement. Ah non, mais vraiment. On s'imaginait pas ça, je pense, quand on a eu ce grand projet de lancer un marathon de 40 heures. Voilà, c'est en plus Fadjet qui accueillait dans sa maison. Et plein de gens sont venus dans la maison Fadjet pour la radio, bien sûr, des partenaires radio, mais surtout des gens qui reconnaissent cet esprit aussi de famille. On a eu des partenaires associatifs, institutionnels, des anciens bénévoles, des auditeurs, enfin plein de gens différents, tous pour venir dire leur attachement vraiment à la maison Fadjet. Voilà, donc, voilà. Passer faire un coucou, je pouvais pas passer, ne pas passer, voilà, pour les 40 ans célébrés. Et on a plein de témoignages aussi, parce que je le disais, presque 60 bénévoles mobilisés. On a comptabilisé aussi plus d'une cinquantaine d'invités, les partenaires, mais aussi des anciens. Donc c'est à peu près 100 personnes sur ces 40 heures de live sur le week-end. Et puis en bas aussi, on avait mis un mini studio, donc on a plein de gens qui sont passés, notamment hier, qui ont enregistré des témoignages. Et là, je crois qu'on doit avoir pas loin d'une cinquantaine de témoignages aussi, plus Jean-Luc, tu me dis ? Non, c'est bon. Ça, c'est une cinquantaine. Et tous ces témoignages, ça va être rediffusé toute l'année, parce que bah voilà, les 40 ans, ça va pas se terminer là à midi. C'est toute l'année à Fadjet. On aura sûrement un petit rendez-vous en juin, on vous en reparlera. Mais voilà, restez bien connectés. Pour clôturer, on le disait, on a invité plein d'anciens, et on a deux anciens, excusez-moi, je veux pas vous vexer, mais depuis vendredi soir, les anciens jeunes. Depuis vendredi soir même, on vexe pas mal de gens en disant les anciens, mais j'ai pas dit les vieux. Hein, voilà, vous aurez noté. C'est la prochaine étape. Voilà. Ça va arriver. Pour le prochain marathon sur lequel on s'est engagé, je pense que là on pourra dire vieux, c'est pour les 80 ans. Ah oh oui, 80 heures de live, ça vous va? Ah oui, bon. Vous signez 80 heures, moi, on tienne du coup à cet âge-là. Alors, on a dit on fera peut-être des duplex depuis les EHPAD du coin. Pour être sûr, avec nous, vous venez de les entendre, Damien et Sarah, deux anciens de Fadjet que vous pouvez entendre. Alors, parlez un peu pour voir. Petit quiz, est-ce que vous reconnaissez ces voix? Oula, la mienne, je sais pas si les après-midi peut-être, si vous écoutez. Ça, c'est plutôt le matin. Moi, c'est plutôt le matin, ouais. Si vous m'entendez normalement. Ouais. C'est plus ensemble. À un moment, on était aux mêmes horaires et puis maintenant, on était l'un face à l'autre et maintenant, on est décalés. On se sépare la journée. Alors, Damien, alors, toi, de toute façon, on a cité depuis que vendredi soir, on a reçu plein d'anciens de Fadjet qui travaillent sur plein de radios. Ici, parce que en fait, on le rappelle quand même, quelle que soit la radio quasiment que vous écoutez dans la région, il y a des gens de Fadjet ou qui sont passés par Fadjet. Et donc, on a cité quasiment toutes les radios. Donc là, on va citer aussi France Bleu pour Damien. Ici, c'est de Lorraine. Ici, pardon. Aurélie, non, mais c'est vrai. Mais je suis pas habituée. Enfin, je me trompe toujours, même à France Bleu, je me trompais de nom. Oui. Parce que mais même nous, elle a dit c'est Fadjet. J'ai ouvert une antenne sur France Bleu en disant Fadjet il y a longtemps. Ouais. Donc, pour te dire. C'était même pas fait exprès. Non. Et Sarah, que vous pouvez entendre sur Fun. Oui, Fun Radio Lorraine. Fun Radio Lorraine, exactement. Sur les Flash Info. Ouais. Alors, déjà, un petit mot sur Fadjet, votre parcours à Fadjet. Oh là là. Rapidement, c'était il y a combien de temps? Moi, je suis arrivée en novembre 2012. et j'ai commencé en faisant les billets d'humeur dans le menu étudiant. Je suis arrivée par une copine qui était à la fac avec moi et qui m'a dit: viens, c'est trop cool, je fais de la radio et tout, viens avec moi un soir, tu verras, c'est trop bien et tout. Donc je suis venue, j'ai vu et j'ai dit je veux faire ça aussi moi. Et du coup j'ai commencé. Et comme tout le monde, tu t'es dit je veux pas repartir d'ici. Et je suis revenue la semaine suivante avec effectivement un billet d'humeur que j'ai continué à un certain moment. Et ensuite je suis passée en stage. C'était un stage universitaire. C'est là où j'ai rencontré Damien et je suis passée plutôt en matinale. Voilà, la matinale que je coordonnais à l'époque où j'étais salarié. Moi, j'ai découvert Fadjet en tant que bénévole. C'est beaucoup plus vieux que 2012. Moi, c'est 2007-2008. Je suis arrivé cette année-là. Alors, je faisais déjà de la radio avant, en associatif dans les Vosges. Je suis parti vivre à Paris aussi. J'ai continué. Et quand je suis arrivé à Nancy, j'étais piqué. Je voulais continuer à faire ça, même si j'avais une autre carrière vraiment en parallèle. C'était pas du tout un métier au départ. Et puis en tant qu'étudiant, j'ai commencé comme bénévole plusieurs années. Après, comme salarié une année. Et puis ensuite ça s'est enchaîné. Tout de suite après Fadjet, je suis arrivé sur France Bleu. Ça fait 12 ans. Donc voilà, ça fait un petit peu. Mais Fadjet, il y a eu un premier Fadjet, t'as fait autre chose. Ouais, j'ai revenu un peu à Fadjet et c'est ce qui t'a redonné. J'étais sur une autre radio. Exactement, j'étais comme bénévole donc ici. Après, je suis parti sur Magnum pendant une saison. Je suis revenu ici en tant que salarié, donc où je coordonnais les matinales. Et l'après-midi, je bossais avec une web TV. Et puis l'année d'après, je suis parti sur le réseau bleu et j'y suis toujours. Mais voilà, Fadjet aussi, une radio tremplin. Mais ça, de toute façon, la radio associative, c'est peut-être la seule école pour apprendre à faire de la radio. C'est le seul moyen déjà d'approcher un micro, c'est le seul moyen de travailler, de s'entendre, de s'écouter. C'est quand même du boulot, de travailler en équipe. Il y a pas meilleure école. Il y a des écoles effectivement, mais tous ceux qui sortent de ces écoles avec un bagage sont tous passés d'abord par une radio associative. En plus, Parce que par exemple, Sarah, enfin, t'es un très, je parle souvent de toi justement en exemple en disant quand t'es sortie de ton master, t'avais fait tellement d'antennes ici que t'as trouvé très vite du travail, contrairement à tes camarades de classe qui n'avaient pas pu forcément faire, qui n'avaient pas de maquette, qui n'avaient pas bouffé du micro comme tu en avais bouffé ici à Fadjet. Et ce qui permet aussi, bah, c'est une expérience finalement parce qu'on a une aisance. Et ça a permis, ça t'a permis de trouver du boulot super vite, quoi. Alors clairement, alors j'ai pas fait un master, hein, on va redescendre un petit peu. J'ai fait une double licence, bon voilà. Mais oui, effectivement, moi je le dis toujours et je le dis encore aujourd'hui aux jeunes, la seule solution pour s'améliorer, pour voir si c'est votre truc aussi, hein, parce que c'est quand même spécial la radio, bah c'est d'en faire, c'est de bouffer du micro, c'est de s'essayer, de s'écouter, même si c'est pas très agréable au début. Ouais, les premières fois c'est compliqué. Hein. On a passé plusieurs heures avec Damien à s'écouter, et à se pas du tout féliciter. Hein. C'est pour ça aussi que ça marche. Au final, c'est à force de travail, finalement. Et effectivement, moi, je reste persuadée aujourd'hui que si j'ai été prise embauchée à la suite de ma licence, tout de suite après, normalement, on doit faire des écoles de journalisme reconnues, etc. On doit passer par la voie royale. Moi, je reste persuadée aujourd'hui que si j'ai été embauchée derrière, c'est parce que j'avais une maquette qui, à mon sens, tenait à peu près la route. Bah, apparemment, oui. Bon, a priori, oui. Il y a toujours du travail à faire. Il y en a encore aujourd'hui. Mais oui, c'est grâce à ça. Et puis, c'est une discipline aussi. Hein, c'est de venir tous les matins, quand on est bénévole et qu'on se lève le matin à 6h avant d'aller faire son taf derrière pour venir animer. C'est une discipline. C'est un travail qui se fait parce que, mine de rien, on n'arrive pas à l'antenne les mains dans les poches. Hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, dépend. Ce week-end, un peu plus. Là, est-ce que vous avez vu mon super conducteur? C'est bien, ça tient en trois lignes. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais là, voilà. Mais voilà, du coup, c'est ça. C'est l'improvisation, en fait. Mais c'est ça, en fait. Du direct antenne aussi. C'est le travail que tu as accumulé les années précédentes, l'expérience qui fait qu'aujourd'hui, en trois lignes, tu peux faire une émission. Mais on essaye. Finalement, tout ça, c'est une vraie discipline, c'est un vrai travail, c'est une école. Et déjà, il faut déjà toucher au micro, il faut déjà connaître ça. Tous les jeunes qui nous approchent, je pense que pour toi c'est pareil, qui nous disent moi j'aimerais bien un jour faire de la radio, ou je fais du podcast, ou on les envoie systématiquement vers une associative. Et l'avantage c'est que comme il y a un vrai réseau de radios associatives qui ont en plus toutes des couleurs différentes, ça permet à chacun de trouver sa couleur et de trouver ce qui lui correspond. Non mais je trouve que le rouge est plus joli. Non. Ça va bien le rouge. Hein, ça va bien. Le rouge noir, très blanc. Très beau ces studios. Ils ont beaucoup changé ces studios aussi, parce qu'on les a connus nous avec la table ronde au milieu les premières. On a vu les travaux et on a connu ces studios là aussi. Ouais. Ah bah. Alors pour faire l'historique, je crois que de 2014, les travaux et le nouveau logo. Mmh. Ouais. Donc ça nous rajeunit pas. On ressort le hashtag coup de vieux que l'on sort depuis vendredi. Et là, bon, là, il est un peu décoré aussi, hein, spécialement pour les événements. Bah, j'adore, moi. Moi, je suis presque déçue d'en avoir si peu d'être profité. D'être partie. J'en ai de ce studio, d'avoir ce si studio, peu profité du studio. Mais tu sais, tu peux toujours revenir pour bénévole. Il y a de la place. On accueille plein de bénévoles. Si t'as envie, on n'a pas d'exclusivité de moine. Tu travailles le matin, tu peux venir dans la journée. Oui. Bon, c'est l'inverse, je peux venir le matin. Ouais. Et ben voilà, on va faire des crossovers, on va faire des émissions spéciales multi-radio. D'ici 3-4 minutes, on va accueillir, parce que là, je sens qu'ils ont envie d'entrer, là, il y a tous les bénévoles. Ouais. Juste peut-être un événement marquant, un truc qui vous a marqué à Fadjet, tous les deux. C'est les 25 ans. Alors, ça remonte à quelques années. Ah, les 25 ans. On a fait les 25 ans avec un grand concert à l'autre canal. Ouais. On avait préparé plein de trucs. Là, j'étais bénévole à l'époque là encore. Mais Cécile était avec nous qui a organisé, était avec nous vendredi. Exactement, soir. Bah voilà. Et c'était un des premiers grands événements qu'on a pu faire. Le concert à l'autre canal, les studios qui étaient ouverts à tous. Il y a eu un marathon d'antenne ou quelque chose comme ça à cette époque là. Il y avait, pour les 30 ans. Non, c'est les 30 ans, on a fait les 30 heures. Oui, j'étais là aussi. Les 25 ans, c'était vraiment le gros événement. Il y avait du monde dehors, c'était une super journée en plus, donc c'est vrai que c'était un événement assez marquant qui marque la tâche aussi que les gens ont avec cette radio. Exactement, Sarah. Moi, c'est pas un événement, c'est plusieurs petits événements en vrai, mais je vais quand même garder l'interview de Mathieu Klein. C'est drôle, mais on avait fait des matinales spéciales pour les élections municipales. Exactement. On avait reçu tous les candidats chaque matin. C'est ça. Et j'avais un stress terrible parce que c'était quand même le maire. Enfin, à l'époque, il n'était pas maire de Nancy, mais il était candidat et j'avais président un stress du département terrible. À l'époque. Exactement. Ouais. Et on avait préparé l'interview et ça fait partie d'un de mes souvenirs où j'étais très impressionnée par Mathieu Klein. Et à chaque fois que je le revois aujourd'hui dans le cadre de mon travail, j'y pense. T'y repenses. Ouais. Mathieu Klein qui était avec nous vendredi. vendredi soir. Et qui, lui, avait été impressionné par son interview à Fadjet. Alors, il a été interviewé plusieurs fois à Fadjet, mais à chaque fois, il nous a redit, vendredi, qu'il y avait une particularité dans les interviews de Fadjet. Qu'il y avait des questions qui étaient posées, qui ne lui étaient pas posées par les autres médias. Et c'est ça aussi... Parce que les préoccupations sont pas les mêmes. La particularité aussi des radios associatives, c'est aussi d'explorer d'autres terrains, peut-être des questions plus personnelles, moins politiques. Et vraiment, il a été touché aussi par ce côté-là. Donc voilà, d'un sens comme dans l'autre, c'est des belles rencontres. Mais c'est vrai que c'était fort déjà à cette époque-là d'avoir pu... Alors, je coordonnais la matinée à ce moment-là, il y en avait eu, tous les candidats avaient accepté, sans aucune difficulté, venir un matin sur une semaine spéciale et tous les matins on avait un candidat et tous les matins des bénévoles se relayaient pour faire les interviews. On avait eu tous les candidats en bas, on a fait une table ronde, une émission en public avec tous les candidats, ils étaient assez nombreux, je sais pas c'était pour les... Mais je me demande si c'était pas les mêmes, il y avait eu un premier tour où il y avait tout le monde en bas je crois, et au deuxième tour effectivement on avait reçu les deux candidats, Laurent Hénard à l'époque et Mathieu Klein. Mais c'est vrai qu'on essaye de suivre aussi ça pour donner accès aussi, c'est être un meilleur citoyen, comme on dit, c'est être un peu informé pour voter en connaissance de cause. Ça donne envie d'aller voter. Ça fait partie aussi des choses, des valeurs aussi de Fadjet qu'on essaye de diffuser. On fait du retour vers le futur. Là, on repart un peu dans le passé. C'est Big Soul Hippie Hippie Check qui va nous accompagner. Il nous reste 45 minutes, 46 minutes si on est très précis, pour terminer ce marathon radio 40 heures de live pour les 40 ans de Fadjet. Vont nous rejoindre, je vais pas citer les noms parce que je vais faire passer un quart d'heure déjà pour citer tout le monde. Tout le monde va nous rejoindre en studio, les derniers, tous les bénévoles. Et on se retrouve tout de suite sur Fadjet. Restez avec nous, on a une surprise aussi. 1985, 2025, Fadjet a 40 ans. Shake. Don't say you don't know how, well, it's the hottest thing in town. Hey, baby, shake. Well, you beat up off the ground, and then you pull all up and down, and then you turn around and round, and then you break. Hey, baby, shake. Hey, baby, shake. Well, girl, you know you're bound to get won't go right by the sound. Hey, baby, shake. That mess around and only don't worry about the crowd. Hey, baby, shake. Well, beat up off the ground and then you move it all up and down and then you turn around and around and then you break. Hey, baby, shake. Hey, baby, shake. Fadjet a 40 ans. « 40 ans et toutes ses dents, hein, c'est bien ça. Et puis surtout tous ses bénévoles depuis très très longtemps. Alors voilà, je vous l'annonçais juste avant, tout le monde nous a rejoint, en tout cas tous les gens qui étaient là ce matin ou sur cette nuit. On vous rappelle Marathon Radio, défi exceptionnel, défi presque relevé par tous les bénévoles de la radio. Une cinquantaine, presque 60 bénévoles qui se sont investis. On a reçu aussi beaucoup d'invités, c'est presque 100 personnes qui ont été à l'antenne de Fadjet sur ces 40 heures. On a tenu donc de vendredi soir 20h. On termine, on va clôturer à midi aujourd'hui. Et là, bah, voilà, il y a plein de gens qui nous ont rejoints parce que moi, je trouve que c'est représentatif de Fadjet. Il y a une trentaine de personnes. On peut vous entendre ? Oui ! Voilà, parce qu'on voulait clôturer aussi ce grand live, ces 40 heures de live avec tout le monde, parce que c'est ça Fadjet, c'est ça l'esprit Fadjet, c'est être tous ensemble et partager des choses. Donc on voulait partager avec vous tous aussi ce temps-là et cette dernière ligne droite. Fabienne Marchal, oui. Non, juste 40 heures d'ondes et de voix qui rassemblent, c'était le nom qu'on avait donné à ce grand week-end marathon. Et je crois que c'est un pari réussi. On n'était pas sûr du tout du résultat. Mais vraiment, on est plus qu'heureux. Vraiment. Allez, on est vraiment très heureux. Bravo. Merci à tous. Bravo. Merci de votre mobilisation. Bravo à vous. Bravo à tout le monde. Et Les bénévoles, ben voilà, non, c'est merci vraiment à vous tous d'avoir assuré. Et ce qu'on disait aussi, ben, Fadjet, c'est plus qu'une radio, grâce à vous, surtout, tous les partenaires aussi, mais tous les bénévoles qui se mobilisent et qui font de l'antenne. Alors, on va préparer tout à l'heure, on aura une petite surprise, mais on voulait faire des petits tours de table pour présenter aussi un petit peu les gens, parce que vous les avez entendus pendant ces 40 heures, mais vous ne savez pas forcément qui c'est. Alors, on a qui, là, déjà, au niveau des micros. Alors, tiens, un petit mot, Gaël. Toi, oui. Tu n'as pas pu participer à ces 40 heures, mais tu es un... Alors, un ancien. Oui. J'ai bien, je vexe encore une personne. Depuis non, vendredi, va. Je compte. Ça va. Gaël, un petit mot sur Fadjet. Ça fait 20 ans. Oh là là, oui. Je suis arrivé en décembre 2001. Je crois que c'était la Saint-Nicolas. J'étais Miss Météo à l'époque. C'était bien. Et j'ai commencé par la matinale, hein, avec ma grenouille sous le bras. J'ai commencé par la matinale comme beaucoup. Ensuite, c'était l'ère Bernard Albert à l'époque, je crois. J'ai eu une petite émission le samedi matin, une fois tous les 15 jours, une demi-heure, histoire de me faire la main. Et puis, petit à petit... Il y a eu de la matinale, il y a eu plein de... Puis des émissions musicales, surtout. Choses, ouais, beaucoup d'émissions musicales. Vinyl Maniacs, actuellement, sur Fadjet. Le jeudi soir à 20h et le dimanche soir, là, tout à l'heure, à 23h, voilà. Minimum à 1h. Effectivement, et on compte pas le nombre de personnes qu'on a croisées, mais on a croisé tellement de monde et tellement de gens intéressants durant toutes ces années. Je pense que j'écoutais un petit peu, même si je pouvais pas être présent, mais c'est presque bateau de le dire que c'est une grande famille, qu'on se croise, qu'on se recroise, et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est ça aussi Fadjet, c'est croiser des gens en fonction des horaires où on passe. On croise pas toujours les mêmes personnes et c'est super agréable de pouvoir discuter, échanger. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de grandir aussi. Hein. Moi, je suis arrivé, j'étais tout petit, j'avais 20 ans à l'époque. Faites le calcul. Donc du coup, maintenant, je suis on le ressort. Hashtag coup de vieux. C'est ça. On va faire un jingle spécial. Mais oui, de toutes les personnes même qui sont plus jeunes, certains sont plus jeunes que la radio, c'est aussi hashtag coup de vieux, certains me disent mais c'était il y a 15 ans alors qu'ils ont à peine 40 ans, mais voilà, mais c'est quand même, ça met un coup de vieux quand même. Ça met un petit coup de vieux, mais c'est pas désagréable parce que c'est plein de bons souvenirs, hein. Mine de rien, on a vraiment vécu plein de choses, surtout quand on a le plaisir de pouvoir faire comme là en ce moment du direct, où tout peut à peu près se passer, arriver, et c'est ça qui est génial aussi, hein. J'entendais mes deux collègues juste avant parler effectivement de la matinale, des interviews, et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir se dire voilà, on nous écoute, on est en direct, faut pas trop y penser quelquefois. Oui, ça met un peu la pression. Sinon, ça met la pression. Alors tu parlais de la matinale, on va poursuivre le tour de table, Sarah. Oui. Sur la matinale du mercredi. Oui. Alors toi, pas si ancienne que ça. Alors moi, je suis toute jeune dans la radio, jeune en ancienneté, parce que ça fait 3 ans et demi que je suis là. Et je suis arrivée un petit peu... voilà, moi je faisais des petits trucs comme ça, je présentais des bouquins un petit peu sur mes réseaux en 3 minutes. Et puis c'est François qui me dit « Mais Sarah, viens faire un essai dans la matinale ». Et je ne suis jamais repartie. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une émission, et c'est parti pour Caprice de lecture qui existe depuis 3 ans et demi maintenant. J'ai la chance de recevoir, la grande chance et l'honneur de recevoir des auteurs quasi exclusivement lorrains, connus ou moins connus. Caprice de lecture. Oui, parce que je trouve que chaque auteur a son talent et a son mot à dire derrière les lignes qu'il peut écrire. Fadjet, c'est... Comment t'es arrivée à Fadjet ? Alors, je suis arrivée à Fadjet, moi j'étais toute timide, j'avais jamais fait de radio, j'étais toujours planquée derrière mes bouquins, et j'arrive à Fadjet, et là on me dit, et on me fait comprendre que j'ai une voix et que j'ai une place, et ça c'est pas partout comme ça, c'est même le premier endroit que je croise, où on nous laisse notre place, notre chance, et où on nous fait confiance. Et cette confiance, je serai éternellement reconnaissante à Fadjet de me l'avoir donnée, de continuer à me la donner, et de vivre cette aventure extraordinaire. Tout le monde peut être là, parler, quel que soit... quelles que soient ses origines, quelle que soit sa passion et... Quel que soit son âge. Quel que soit son âge, et on s'enrichit et on enrichit l'autre en face. Non, alors je dis pas ça pour Sarah, je dis... Parce qu'on a des plus jeunes, on sait parce que j'ai 97 ans et demi. Donc... Mais elle a signé pour les 80 ans quand même. Non, mais parce que les plus jeunes sur Fadjet ont 7 ans et ils font des programmes, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment pas d'âge. Ouais, c'est vraiment... je vais répéter encore, ça va être un peu redondant, mais voilà, moi c'est ma deuxième maison... On vient boire le café, on partage, on rigole. Des fois, on rigole un peu moins parce qu'il des fois, il y a des événements de la vie qui sont moins drôles. Mais quand on passe à Fadjet, et surtout dans les matinales, quand on se lève à 5h30 du matin, bon, c'est un peu dur, mais quand on est là à 7h moins le quart, on a déjà oublié que c'était compliqué de se lever. Merci, Fadjet. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Oui, allez. Ouais, merci, vraiment. On va poursuivre le tour de table et on va tourner aussi, Sarah, Gaëlle, comme ça il y a d'autres personnes qui vont pouvoir, on va poursuivre. Alors Jean-Luc, tu nous disais tout à l'heure, il fait partie des murs, Jean-Luc, c'est ça. Ah là là. 29 ans de Fadjet. 29 ans de Fadjet, ouais. Et comment t'étais arrivé ici ? Alors comparé à d'autres qui sont partis sur des réseaux nationaux, moi je suis venu de réseaux nationaux pour arriver à Fadjet. Et avant j'ai un parcours de radio pirate, c'est-à-dire que j'avais créé ma radio à Icourt chez mes parents avec un émetteur artisanal que j'avais fabriqué. Et donc, quand on a un copain qui habite à 100 mètres, on a envie qu'il écoute la radio qu'on fait. Et puis, il y en a un autre qui habite à 300 mètres. On augmente la puissance. Puis, il y en a encore un autre qui habite plus loin, à 1 km. Alors, on monte l'antenne, on augmente aussi la puissance. Et puis, un beau jour, on se retrouve avec 3 voitures des PTT qui arrivent comme ça autour de la maison. Parce que, en plus d'émettre sur une fréquence FM non autorisée, on émet aussi dans les radiotéléphones des entreprises aux alentours. Voilà. Alors, ça va, j'avais pas 18 ans, mon père savait pas trop ce que je faisais dans ma chambre, mais bon, il l'a appris comme ça. Il y a le voisin aussi qui avait des fois des interférences sur sa télé. Il disait, c'est bizarre, j'ai mon image qui se brouille des fois. Qu'est-ce qui se passe ? Mon père, il dit, je sais pas, il y a mon fils qui est dans sa chambre. Il y a des roches. Voilà. Et puis, quand j'allais à l'école, je laissais tourner la radio avec des bandes. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, donc c'était des lecteurs cassettes qui tournaient en boucle. C'est comme ça. Et puis, après, j'ai connu un copain qui était directeur de RDS à Champignolles. Et donc, je suis devenu salarié dans cette radio. J'y ai passé à peu près 5 ans. Et puis après, c'est devenu Chérie FM. Mmh. Donc, je me suis retrouvé au chômage. J'ai eu un an de chômage. Et puis, je cherchais une radio. Avant, j'ai refait de la radio pirate chez ma mère. J'avais refait un émetteur et donc là tu cherches les problèmes toi. C'était l'armée. Et il s'est dit bon Fadjet, c'était quand même une radio pirate, allez il y a peut-être un petit lien, je vais y aller quoi. C'est le virus et je me suis dit là il faut que j'arrête, faut que je me calme, donc je vais me poser à Fadjet. J'étais majeur en plus donc j'ai fait le tour de la bande FM et puis je suis tombé sur Fadjet et puis je trouvais que la programmation avait de la gueule. Il y avait des jingles, c'était assez structuré. Et puis, bah, je suis venu comme ça, faire un tour, visiter les studios. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré Marie-Claude. Ghislain, on a sympathisé tout de suite. Et puis, en bénévolat, j'ai commencé à faire des bandes-annonces. J'ai commencé à faire de l'habillage d'émissions. Et puis, surtout, l'émission Charlie & Co, dont Stéphane Kaltchef, paix à son âme. On pense vraiment à lui. Voilà. Il a marqué la radio. Il a marqué la radio. Il allait faire des interviews bénévolement. Il se rendait à des conférences de presse. Il prenait son micro. Il le laissait tourner. Et moi, j'avais 45 minutes d'enregistrement à monter. Donc voilà. Et je venais au début à 17h jusqu'à 22h pour monter notamment Charlie & Co, faire des bandes annonces, de l'habillage. Et puis un beau jour, un poste s'est créé. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Eh ben, alors j'allais te couper parce qu'il y a plein de monde encore. Oui, voilà. Mais c'est une belle histoire. Mais c'est une très belle histoire. Ah, mais voilà, en fait, ça m'a fait penser. Ouais. Je me dis, c'est des parcours. On va peut-être justement refaire. Enfin, on pourrait aussi réenregistrer. Quoi, en 45 minutes. Réenregistrer. réenregistrer justement des témoignages de parcours aussi dans la radio en général et à Fadjet. Ça peut être vraiment. Mais en tout cas, voilà, presque bientôt 30 ans pour Jean-Luc à Fadjet. Passionné. Ouais. Un passionné. 35 ans. Vraiment. 35 ans de radio. 35 ans de radio, ouais. En tout cas, bravo aussi. Et puis, un pilier, on vous a ici parce que sans Jean-Luc, on n'aurait pas de jingle, on n'aurait pas d'habillage, les émissions, il n'y aurait pas de générique et ça ne serait pas aussi cadré et tout ça. Donc voilà, grand merci aussi à Jean-Luc pour tout le travail ici. Il y a juste la police qui vient d'arriver. Voilà. Jean-Luc, qu'est-ce que tu as fait? Avec des aveux en direct. On a retrouvé pour info, l'émetteur est au grenier. Et il tourne toujours. D'accord. Il tourne. Il y a une double diffusion. Agathe, pour terminer ce tour de table, et après on va changer, les prochains vont pouvoir venir. Agathe, toi tu fais partie des... Agathe, elle vient de casser le matériel, Jean-Luc. Jean-Luc, il va me dire tu pars, c'est bon, alors, c'est fini. Alors, le temps qu'on remette, allez, je suis là. Valentin, un petit jingle. Les bonnes ondes de Fadjet depuis 1985. Une radio locale, citoyenne et solidaire depuis 40 ans. Il aura tenu. Bon, voilà. Il n'a pas supporté les 40 heures, ce micro. Alors, on va revenir à toi quand tu auras un micro, Agathe. Où on lui passe ça. On va. On lui passe. Vas-y, attends, mais je pense qu'il va être. Non, mais il va être un peu loin, mais ça va passer. Alors, très rapidement, on continue. Qui s'est installé ici? Nous avons Alex. Salut. Bonjour, Alex. Bonjour, bonjour. Alors, si vous êtes sur Fadjet depuis ce matin, c'était hier matin, toi, Shabbat d'Alex. Hier matin à 10h. Et la matinale aujourd'hui. C'est ça. Sur les 40 heures. Tout à fait. Et depuis combien de temps à Fadjet? Depuis 2017, donc j'entame ma 8e année, je crois. 7 ou 8, oui, 8e année. Rapidement mon parcours, j'ai eu un moment pivot dans ma vie. J'avais démissionné de mon ancien travail. J'étais en attente d'un nouveau et je me suis dit, c'est le moment de réaliser un rêve. C'est donc, faire de la radio. Quand j'étais gamin, je faisais semblant de faire des émissions de radio. Et voilà, j'ai envoyé un pilote de chronique à Yves, qui m'a reçu et qui m'a proposé de faire la matinale. J'ai commencé par la matinale et hier, à 10h, une grande première pour moi, j'ai pu faire une heure d'émission. Donc ta chronique, tu l'as déclinée en émission d'une heure hier. Et je crois que ça te représente, c'est une grosse journée de travail. Oui, c'est une dizaine d'heures de travail de préparation. Pour cette heure d'émission hier. Tout à fait. Pour Fadjet, pour les 40 ans de Fadjet. Ça en valait la peine. Je tiens à rappeler que je suis très ému aussi par cet événement, par l'investissement de tout le monde, l'énergie. C'est impressionnant. Ouais, et c'est pas fini. Alors là, il nous reste 28 minutes d'émission, mais juste après, on va fêter ça aussi tous ensemble, parce que sûr. C'est ça aussi Fadjet. On y compte bien. Voilà, on va aller boire un coup tranquille, on va se reposer après ce grand marathon de 40 heures. Merci beaucoup, Alex. Avec plaisir. Agathe, ça y est, t'as un micro ? Je suis de retour. Eh bien, alors, Agathe. pas très ancienne non plus. J'ai 4 ans de radio. 4 ans de radio à Fadjet. Comment t'es arrivée ici ? Je suis arrivée ici parce que je cherchais un stage durant ma licence. Donc j'ai contacté Fabienne, j'ai eu un petit rendez-vous. Elle m'a dit, c'était le Covid, il n'y avait pas de stage disponible puisqu'on était en plein confinement. J'ai fait petites chroniques sur mon portable pour rendre service à François à distance. Et en fait, ça a collé. J'ai fait l'émission la matinale le jeudi, ça passait bien. Les flash infos, ça passait encore bien. Remplacement, il m'a formé assez vite. Remplacement pour les absents. Et puis après, il m'a donné un créneau le mardi pendant la matinale. Et puis maintenant, j'ai plus de dispo matinale, mais j'ai eu l'opportunité. Voilà, Fabienne m'a proposé de créer ma propre émission qui parle des femmes dans le monde de la musique. Et voilà, depuis, je n'arrête plus. Et c'est le lundi ? C'est un lundi sur deux à 21h. Et un grand merci, ouais, parce que voilà, en stéréo, en stéréo comme vraiment toujours. Un grand merci Agathe aussi. Parce que alors sur les 40 heures, je sais pas, t'as passé quoi, 35 heures ici? Ouais, à peu près. J'ai fait à peu près entre 35 et 37. J'ai fait pas mal et j'ai fait 5 heures de direct en tout. Ouais. Et c'est un plaisir. Moi, c'est vous. Parce que là, Agathe, elle était sur les nuits, elle a fait un peu de matinale. Hier toute la journée, elle a fait de l'accueil. Enfin, vraiment, tu t'es hyper mobilisée. Un grand merci à toi. Ouais. Ben, merci. Avec plaisir. Merci à tous les bénévoles à travers Agathe aussi qui sont mobilisés en dehors de l'antenne, parce que vraiment sans vous, il y avait Sarah tout à l'heure. Oui, Sarah tout à l'heure qui a aussi beaucoup Benoît, aidé. Ouais. Qui a donné un super coup de main, et j'en oublie plein, mais vraiment un énorme merci à tous ceux qui ont été là, qui ont accueilli les gens, parce que c'était vraiment ça aussi le challenge de la maison Fadjet. Et ben, merci à vous. À vraiment tous les bénévoles, tous. Oui, bravo. Sans exception, mais évidemment. Je laisse ma place, allez. Voilà, on va faire tourner. Allez, Mike, je te sens à fond là. Allez, salut Mike. On va toujours à fond, moi. Toujours à fond, Mike. Mike, depuis combien de temps à Fadjet ? Moi, je suis arrivé en 2016 grâce à l'intermédiaire de Fred de Multitube, qui moi, j'avais très envie de faire la radio. Ça, je rejoins un peu Jean-Luc ce qu'il disait tout à l'heure, parce que moi, j'ai fait un peu de radio pirate il y a quelques années avec une petite antenne, mais il n'y avait que 3 auditeurs. Bon, c'était pas, ça devient pas mal, mais voilà. Et j'avais très envie de faire de la radio, et puis j'ai dit, tiens. Et puis il dit, viens chez nous, viens à Fadjet, tu seras accueilli à bras ouverts. Et c'était le cas. Fabienne m'a reçu avec Yves, avec toute l'équipe, et c'est super sympa. Puis après, au début, j'ai fait ma propre mission, c'était une petite demi-heure. Et puis dès la rentrée, j'ai commencé à avoir une heure en direct. Voilà, la musique dans le temps, c'est le mercredi. De 19h à 20h. Voilà, et si tu avais un petit mot pour Fadjet. Donc, et maintenant, tu fais, c'est tendu, ou avant tu faisais ton émission seule, maintenant tu es accompagné d'Alexandra. Avec ma chère étant Alexandra, qui est là, qui m'accompagne, qui me supporte toute la journée, en plus qui me supporte à la radio. Et qui fait l'émission avec toi. Voilà. Et c'est bien parce que je tenais à rendre hommage à toute l'équipe qui est fort sympathique. Et hier, j'ai eu dans l'émission, et ça m'a pris un clin d'œil parce que j'ai un ancien animateur d'une radio locale qu'on ne sentira pas à la radio, qui a sauté être là. Par sa manière des ondes, et faire un top horaire spécial à l'époque, c'était génial. Il n'était pas obligé, et je devais encore le remercier ce matin grâce aux ondes de ses 40 heures. Et vive Fadjet, vive la radio, et on continue dans la joie, dans les bonnes humeurs. Eh oui, c'est pas fini. On a re-signé pour 40 ans, pour les 80 ans, on va faire 80 heures de live. Ouais, voilà, on va mettre un Stana aussi dans les escaliers pour monter en studio, mais on les fera, on s'est engagé. Fabienne fera le café, voilà. C'est bon. Voilà. merci Mike. On poursuit Stéphane. Alors, je vois que tu as regardé ta montre au moins 7 fois. Oui, donc je vais faire rapide. Donc, première voix off pour le Jardin Botanique sur un casting il y a 3 ans et demi. J'ai dit, putain, c'est génial la voix off, quoi. Il faut que je tente quelque chose là-dedans. Donc, je pars. J'ai pas de bande démo. Je fais ça avec 3 bouts de ficelle, 2 trucs. J'envoie à plein de stations de radio. Bon, il n'y a rien qui passe. Et la seule qui me répond, au bout quand même de plusieurs essais, avec tout le monde d'ailleurs, et le seul qui me répond, c'est Jean-Luc. Et donc je me retrouve ici, on fait des essais dans son petit studio en bas, et puis ça démarre comme ça, et puis ça me fait ma première bande démo pour pouvoir après moi démarcher ailleurs, et maintenant ça commence à marcher, et je fais toujours les voix de Fadjet, je fais les habillages. Mais j'allais dire, pour tous ceux qui écoutent Fadjet, ils doivent reconnaître cette voix. Voilà, j'en fais de plus en plus, et c'est génial. Tu nous fais un jingle en live, il a 40 ans. C'est la dernière heure des 40 ans sur Fadjet. Alors là, la dernière demi-heure, ou dis-nous les dernières, on est à combien là? J'arrive plus à calculer. Il reste 24 minutes. Tu vas nous faire le top horaire jusqu'à il reste décompte 23 jusqu'à midi. Donc voilà, donc moi je remercie Fadjet pour la confiance. Et merci à toi pour tout l'habillage. Ça me met le pied à l'étrier quoi, pour d'autres choses après. C'est vachement bien. Merci à toi. Parce que vraiment c'est du boulot. Et oui, voilà. Comme tout le monde ici. Merci beaucoup, voilà, ça a été rapide. Merci, ben super, après, mais alors on vous le rappelle aussi, hein, donc dernière heure de ce grand marathon radio, 40 heures depuis vendredi soir, on tient l'antenne, quand je dis on, c'est les bénévoles de la radio qui se sont mobilisés même la nuit pour tenir cette antenne. On va terminer donc à midi, ensuite on va profiter, on va célébrer tout ça à l'occasion donc des 40 ans de la radio. On va terminer aussi avec une petite surprise tout à l'heure, donc restez bien à l'écoute, restez avec nous au moins jusqu'à midi sur Fadjet. On continue le tour de table. On avait Pierre ici qui s'est installé. Salut Pierre. Salut Aurélie, salut les auditeurs. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Comment t'es arrivé à Fadjet et depuis combien de temps tu es là? Alors je suis à Fadjet depuis 2017, j'étais dans une autre radio avant pendant 3 ans. Je suis parti parce que je suis parti et j'avais beaucoup, voilà, j'avais beaucoup entendu. Les ondes de Fadjet t'ont appelé. C'est ça, j'ai eu un appel dans la nuit noire et j'avais beaucoup entendu parler de Fadjet, je me suis dit pourquoi pas y aller, donc j'y suis allé. J'ai commencé un peu comme tout le monde, je crois, j'ai fait un 13 en forme, j'ai dû faire une matinale et très vite j'ai fait une émission, puis 2, puis 3, je crois qu'à un moment j'en avais 4. Oui, donc l'émission, il y a Couleur Locale. Couleur Locale, où j'interview des artistes de la région, c'est vraiment ma passion en fait, la musique, et de faire des rencontres et de faire découvrir aux auditeurs qu'on a une scène locale qui est vraiment ouf. Et en passant par la Lorraine pour faire découvrir notre région qui est une très belle région, le premier jeudi du mois de 19h à 20h. Très bien, des belles émissions et tu as fait de l'antenne aussi vendredi soir, enfin dans le samedi matin, de minuit à 2h. Et je suis revenu à 17h, ça pique un peu, mais comparé à Agathe tout à l'heure, ça va, je me plaindrai pas. Et Valentin aussi, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, Valentin, tout va bien. Je suis toujours vivant, tout va bien. Voilà. Les yeux ouverts, tout va bien. Voilà, tout va. Ça continue. Merci en tout cas, Pierre aussi. Puis voilà, comme on le disait, merci à tous les bénévoles qui font vivre cette antenne. On va poursuivre ici. Alors, comment on appelle Doc? Ouais, on peut. C'est le Doc. Doc ou Manu, ouais, effectivement. Manu. Salut Manu. Bonjour. Un récent aussi, plutôt. Ouais. Moi, ça fait à peine 2 ans que je suis arrivé. Je suis un vrai enfant de la radio. Alors, je connaissais Fadjet de nom il y a quelques années quand j'étais étudiant sur Nancy. Et puis, mais j'avais jamais eu l'audace ou le cran de dire, allez, je pousse la porte, je vais voir ce que ça donne. Et moi, je suis venu par l'intermédiaire de notre beau Françou qui nous a abandonné pour ce week-end, qui coordonne la matinale. Et en fait, aujourd'hui, moi, Fadjet, c'est une vraie cours de récréation, c'est-à-dire que c'est un terrain de liberté, d'expression, de test, de tout ce qu'on veut, mais où on prend beaucoup de plaisir. Et puis même si certains matins on se dit effectivement on a déjà pas mal de choses à faire, les vies professionnelles sont bien remplies, c'est un exercice pour lequel moi je prends énormément de plaisir et on est toujours évidemment content d'être là pour les autres bénévoles, pour les auditeurs évidemment, mais pour tous les gens qui sont là. Et puis j'ai pris la petite casquette d'aller chercher des nouveaux partenaires aussi pour la radio. C'est ça l'engagement aussi, au-delà de l'antenne. C'est ma première activité de bénévole, moi j'avais jamais fait ça de ma vie et je prends beaucoup de plaisir à le faire et ce que ça m'apporte c'est un équilibre aussi dans ma vie personnelle, quoi. C'est-à-dire que voilà, cette recherche-là est quand même plutôt sympathique. Donc voilà, un grand merci et un très joyeux anniversaire. Oui, c'est ça aussi, là, on parle beaucoup de la diversité aussi dans les matinales et des différentes personnes. C'est savoir aussi venir avec sa propre personnalité, parce que là, faire des chroniques, c'est pas juste faire c'est pas des flash infos, c'est apporter son humour aussi, son esprit. Ouais, et puis voilà, il y a cette liberté de ton, cette liberté d'expression. On peut effectivement, tester des choses, on peut essayer. Il y a beaucoup de bienveillance. Et puis c'est ça, moi, que j'aime aussi, c'est la mixité. C'est-à-dire qu'on rencontre tellement de gens différents, d'univers différents, d'âges différents. C'est juste sensationnel. Et voilà, en fond de la radio et en essayant de transmettre ça à tous mes gamins, j'apprécie aussi le fait qu'ils puissent eux aussi découvrir, parce que mon fils est venu aussi à l'antenne avec nous aussi cette année. Et ben voilà, la relève est assurée pour les 80 ans. Exactement. On va le former, on va le briefer. Pas de souci. Merci. On a essayé de briefer aussi tous les stagiaires de 3e là qui sont passés nous faire un coucou hier. Voilà, on s'est dit il faut qu'on les garde pour les 80 ans pour être sûr d'avoir du monde. Merci Manu. Merci à vous. Merci beaucoup. On va poursuivre ce tour de table. Bruno, salut Bruno. Salut Aurélie. Alors, je disais là pour le moment, tout à l'heure, j'ai vexé plein de gens. À chaque fois, je disais les anciens. Mais là, moi, je suis le plus ancien. Un récent. Ou le plus jeune ancien. Le plus récent des anciens ou le plus ancien des récents. Puisque mon arrivée chez Fadjet date de septembre, octobre. 2024. Quelques mois. Quoi. Un bébé. Tout à fait. Un bébé Fadjet. Ça me fait tout drôle de dire que je suis un petit jeune, mais je le dis avec plaisir. Comment t'es arrivé à Fadjet? J'allais dire en voiture, mais. Oui, on nous a fait la blague en bus. Oui, je pense que ça a déjà été fait moult fois. Oui. Non, c'est. J'avais déjà été en contact avec François il y a 2-3 ans, même plus longtemps que ça d'ailleurs. Et puis ça ne s'est pas fait pour des raisons professionnelles, ce n'était pas compatible avec mes horaires de travail. Et maintenant que j'ai le plus beau travail du monde, je suis retraité, donc j'ai du temps. J'ai dit pourquoi pas recontacter François, voir s'il est toujours d'accord pour que je vienne. Et puis il a un grand oui. Et je rejoins un peu tout ce qui a été dit, oui, la liberté de parole qu'on a sur Fagette. Et puis surtout l'accueil, on n'est pas isolé dans un coin en attendant qu'on s'intègre. On vient nous chercher pour nous aider à nous intégrer. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie en tant que président de diverses associations que j'ai été et que je suis encore. C'est quelque chose que je prône, aller chercher la personne pour l'intégrer et non attendre qu'elle s'intègre d'elle-même. Et ça facilite beaucoup les choses, beaucoup. Alors ce que Bruno n'a pas dit, c'est qu'il est en... Il est retraité maintenant, mais il faisait un très beau métier avant. Pâtissier. Oui. Mmh. Oui, et c'est lui qui nous a concocté le beau gâteau d'anniversaire. Voilà. Que vous ne mangerez pas, chers auditeurs, mais on en verra des photos. On vous fera une photo. Oui, parce qu'elle a eu l'exclusivité de la photo. Voilà, pour l'instant, moi je l'ai... Voilà, mais il est déjà magnifique et je suis sûre qu'il sera très bon. Mmh. Et ça aussi, c'est mettre des compétences. Quand on est bénévole, on a des compétences personnelles, professionnelles. Et c'est génial ici. Tout le monde met ses compétences au service aussi. Et donc, dans le même projet. Je suis sur les matinales. Merci Bruno. Ouais. Avec Martinal François, mardi matin. Et un projet d'émission, mais on dévoilera pas trop pour l'instant. À venir. Ouais. Et puis voilà, Fadjet. En tout cas, là, c'est plein de projets, plein d'avenir sur Fadjet. Plein de choses à faire. Ouais, tout à fait. Et l'avenir m'appartient. Ben voilà. Mais on a encore 40 ans. Par contre, pour les 80 ans, je suis pas sûr. On a encore 40 ans à tenir, donc il va falloir qu'on tienne, hein, non? Ouais. Moi, ça me fera plus de 100 ans. Ou alors il faudra descendre le studio en bas sur le parking. On en anticipera des enregistrements pour pouvoir diffuser des témoignages aussi en amont. Merci Bruno. Merci. Puis un grand merci aussi et pour merci Fabienne, le gâteau qu'on va déguster tout à l'heure. On soufflera les bougies également. Un grand merci. Si Fabienne y a pensé. Ah, on a des bougies? Non, mais quelque part, je ne sais plus où. Mais on les trouvera. On trouvera tout ça. On poursuit également Laurent. Oui. Un ancien de Fadjet. Je vais essayer de faire mon parcours assez rapidement. Je suis arrivé à Fadjet vers 1997-98. Alors j'avais débuté dans la radio du côté de Fréquence Métal. C'est pour ça que ces 40 ans à un moment donné m'ont particulièrement touché. On a parlé du moment où Fréquence Métal a permis à Fadjet d'avoir un émetteur. Et donc, à cause de mon côté, de ma partie professionnelle, j'ai abandonné la radio une à deux années. Et grâce à Fred, qui était arrivé à Fadjet après la fin de Fréquence Métal, je suis arrivé donc sur Fadjet pour faire quelques chroniques dans Multitube. Et à un moment donné, j'ai eu le plaisir de pouvoir proposer le projet de Destination Série que j'ai lancé tout seul au départ. Après, j'ai eu le bonheur d'avoir Maître Pierre à mes côtés. Benoît m'a rejoint. Et là, dernièrement, j'ai Manon qui nous propose le Manon Série Quiz. Et moi, tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'émotion. Alors, j'ai de beaux souvenirs des 25 ans, des beaux souvenirs des 30 ans. Mais alors, je pense que les 40 ans, ça va être encore pire. Tellement les témoignages, l'antenne, ce qui a été proposé, tellement c'était magnifique. Et oui, il y a des moments où j'ai eu des frissons, il y a des moments où il y en a certains qui m'ont donné des larmes, tellement ces 40 ans, ces 40 heures ont été tellement belles. Et moi, Fadjet, c'est le plaisir depuis le départ de mettre en avant ma passion pour les séries. Quand je lance Destination Série, quand Fadjet me permet de lancer Destination Série, on est en pleine période télé-réalité. Les séries sont un peu le matin, l'après-midi. C'est rare que ça soit en prime time. On est encore loin des plateformes. Et je voulais qu'on n'oublie pas les séries des années 70-80. Je voulais remettre en avant ces séries. Et ça m'a permis de mettre en avant cette passion. Et maintenant, grâce à Fadjet, eh bien, on est en plein cœur de ces séries qu'on a partout, à la télévision, sur les plateformes, et je continue de vivre ma passion grâce à Fadjet, et donc un bon anniversaire à Fadjet. Destination Série, c'est le vendredi soir. C'est le vendredi de 18h à 19h, et après on a Ça ira mieux demain, piloté par Benoît, qui elle est plus dirigée vers les plateformes. Super, bah en tout cas merci, parce que c'est aussi ça l'histoire de Fadjet, c'est tous ces gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, ces anciens qui sont aussi toujours là, donc la preuve qu'on n'est pas si mal que ça quand même à Fadjet, parce qu'il y a des gens qui sont quand même là depuis presque 30 ans, voire plus, donc c'est qu'il y a quand même une bonne ambiance. Merci Laurent. Merci Aurélie. On termine, on a Daniel qui nous a rejoint. Oui, alors je... Bonjour Daniel. Bonjour à tous. C'est mon grand regret de ne pas avoir participé dès le début de ces 40 heures. J'avais des obligations qui m'ont pas empêché de faire cela. Donc moi, bénévole je suis, il y a longtemps. Voilà, bénévole il y a longtemps. Je suis arrivé vers 95, je ne sais plus exactement. J'ai commencé par la matinale un peu comme tout le monde pour un peu tester, s'imprégner de l'ambiance. Et puis finalement, après, j'ai fait deux émissions avec des titres à rallonge qui s'appelaient « De sport et d'eau fraîche » et « Mystère et bulle de gomme ». Donc « De sport et d'eau fraîche », ça parle de sport. « Mystère et bulle de gomme », ça parle de bande dessinée. Et puis j'ai lancé le projet avec Christophe du quart d'heure de 15 minutes. Je me souviendrai toujours de la tête de Marie-Claude, qui était directrice à l'époque. Elle m'a demandé quel est le titre de l'émission. Je lui ai dit « Le quart d'heure de 15 minutes ». Elle a eu un sursaut, mais c'était une émission qui était un peu décalée, avec des histoires décalées. Et pour la petite anecdote... Oui, on en anecdote, a parlé tout à l'heure, on a voilà, diffusé un épisode. Oui. Pour la petite anecdote, au bout d'un moment qu'on faisait ces émissions-là, on avait commencé à vouloir intégrer Bernard Albert, donc le directeur de l'antenne, et Marie-Claude, la directrice de la radio, dans chaque épisode. C'était un petit jeu, il y avait par exemple une histoire qui se passait dans une jungle, et tous les cris d'animaux, c'était Marie-Claude. Mais c'était un peu mixé, et si on écoutait bien, on entendait Marie-Claude, Marie-Claude. Alors on va lancer un jeu voilà, pour aller retrouver. Et on intégrait donc toutes les personnes de la radio, ça faisait partie de l'émission, enfin de ce concept de radio. Et c'était une ambiance particulière voilà, à l'époque aussi, on disait, hein, bah, la technologie n'était pas la même, voilà, il y avait plein d'autres choses. Et vraiment, à Fadjet, ce qui me semble important, c'est que c'est moi à l'époque où je suis arrivé à Fadjet, j'avais un peu un manque de confiance en moi, et grâce à Fadjet m'a donné un peu cette confiance en moi, me donnant la parole finalement et en faisant partager mes passions. Et c'est ce que tout le monde fait finalement, tout le monde partage ses passions. Et moi, entre Nancy et Metz, je fais souvent le trajet, et c'est Fadjet tout le temps qui est branché et j'écoute. Et souvent je fais des petits débriefs à Yves. Je pense pas à envoyer des messages, je dis tiens, là l'animateur il répète souvent la même chose, il a une expression et un tic, il faudrait qu'il essaye de faire autrement, tout ça. J'essaye d'avoir un petit esprit critique, mais je le dis à Yves. Mais c'est vrai que je pense pas je devrais envoyer un petit message à tout le monde pour dire un peu les ressentis. Mais effectivement, avoir des retours, c'est important, voilà, parce qu'il faut aussi dire que sur Fadjet, il y a des gens donc, qui viennent d'arriver, ils n'ont jamais fait de radio de leur vie, ce n'est pas des professionnels. Voilà. Donc effectivement, il y a parfois des petites choses à recaler, mais moi concrètement, et ce n'est pas parce qu'ils sont très nombreux et que je ne veux pas me faire enguirlander en sortant, mais il y a quand même une vraie qualité d'antenne, et oui, ce sont des bénévoles, ce n'est pas leur métier, ils font des supers émissions. Voilà. Moi, je voudrais souligner que depuis le temps que j'écoute Fadjet, alors déjà l'habillage, n'en parlons pas, la radio a su évoluer, et c'est vrai qu'au fil des années, la qualité des émissions a aussi... on n'avait pas cette qualité-là il y a une paire d'années, et c'est vrai que les nouveaux qui arrivent, on a déjà un sacré niveau au niveau des émissions. Oui, ouais, il y a une vraie qualité d'antenne, et ça, on tient à le souligner aussi, tous les bénévoles, là, ils font un boulot dingue, et voilà, c'est hyper... hyper, oui, vous allez revenir, il nous tanne parce qu'on a une surprise, on vous le disait, elle va arriver dans quelques minutes, tous les bénévoles vont nous rejoindre, comment ? Le gâteau ? Non, c'est le champagne, mais je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Luc il est en PLS là, je voulais le champagne, mais je crois qu'on attendra, on va redescendre. Un grand merci, on revient juste après, je te redonne la parole Fabienne, petit jingle le temps que tout le monde nous rejoigne et on se retrouve après pour conclure. Fadjet a 40 ans. Happy birthday to you. Un anniversaire à partager. Les bonnes ondes de Fadjet depuis 1985. Allez, j'aime bien cette ambiance là, on est vraiment sur du live, vous entendez ? Alors Jean-Luc il doit être aussi encore en PLS, ce sont pas propres là, pardon, de plein de gens qui parlent. Et pardonne-moi Jean-Luc, pardonne-moi s'il te plaît. Mais voilà, les bénévoles présents aujourd'hui nous ont encore rejoints, on est une trentaine là encore dans la maison pour clôturer. Il nous reste 9 minutes à peine de direct et on y est presque. Alors là voilà, il faut qu'on tienne, hein. Il faut qu'on arrive jusqu'à midi. Hein, vous êtes en forme pour tenir encore les... On peut refaire 10 heures, moi. moi je suis chaud pour faire 10 heures de plus. Ouais, ben je crois qu'en fait on pourrait largement monter. Est-ce que tu peux juste me laisser dormir avant, Agathe, s'il te plaît. Tu fais une sieste et on prend. Alors très rapidement aussi avant, parce qu'on aurait voulu aussi remercier plein d'autres personnes, mais voilà, merci à tous ceux qui se sont mobilisés. Avant cette fameuse surprise, on va aussi laisser la parole à donc notre très chère directrice Fabienne et notre très cher président aussi Béranger qui est avec nous, qui a pas pu être avec nous vendredi. Voilà, une petite grippe, enfin un petit virus qui l'a cloué au lit, mais ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Donc il a fait l'effort, il tenait à être là aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Alors là, on a Alex, tu voilà 52. Il faudrait que vers 55, on puisse démarrer notre surprise. Donc vous avez court. Vous avez à peine 3 minutes tous les deux. Voilà. Voilà. Non, mais moi je vais faire très très court. Vraiment, je suis pleine d'émotions, pleine de fierté aussi par tout ce que j'ai pu entendre, vivre, les gens que j'ai pu rencontrer pendant ce week-end. On parlait des différents anniversaires. Laurent disait tout à l'heure, pour moi, c'est les 40 ans qui vont me laisser le plus beau souvenir. Donc Fadjet, effectivement, se bonifie en vieillissant. Donc c'est pas un gros mot de dire les anciens. Je crois que c'est vraiment une fierté parce que c'est aussi de la fidélité. Et c'est ça aussi qu'on a vécu pendant tout ce week-end. Des gens fidèles, des gens passionnés. Un grand merci vraiment à tous. Voilà, je vais pas citer tout le monde, mais c'est vraiment tout le monde. Et juste, on entend souvent ces Fadjet. C'est Fadjet qui m'a permis de faire ça, comme si Fadjet était une personne. Et moi, je trouve ça génial parce que ça veut dire que c'est plein de personnes, Fadjet. C'est pas une personne ou deux personnes ou la direction ou les salariés. Et c'est vraiment un ensemble et qui fait qu'on peut dire merci à Fadjet pour toute cette évolution. Et en disant merci à Fadjet, on vous dit merci à vous tous. Merci. Déranger. Que rajouter après ce beau discours de Fabien? Déjà, dire voilà, je suis extrêmement touché d'être présent aujourd'hui. Je tenais vraiment à être parmi nous, en fait. Un grand merci à tous les bénévoles, salariés, partenaires, financeurs ou pas, peu importe. L'important, c'est que tout le monde était là pour fêter ces belles 40 années passées. J'entendais tout à l'heure parler de tremplin dans le monde professionnel, vers le journalisme professionnel. Simplement dire aussi que Radio Fadjet, c'est aussi un tremplin personnel pour les personnes qui viennent à l'antenne ou tout simplement fréquenter la maison. Et dire que tout à l'heure, Daniel disait que ça l'a aidé à prendre confiance en lui. Et ça a aidé, je pense, tout le monde à prendre confiance en lui et puis des fois prendre son envol tout simplement pour être quelqu'un de meilleur. Donc je souhaite que Radio Fadjet, j'essaie de tenir le timing, soit présent encore sur les 40 prochaines années. Mais j'ai envie de dire que une journée après l'autre, c'est déjà une victoire sur la solidarité, pour la solidarité, pour l'entraide et puis pour la confiance en soi. Donc un grand merci à Radio Fadjet, comme tu dis, c'est une personne. Donc merci Fadjet et puis on se revoit, je l'espère, dans 40 ans. Merci. Même avant. Oui, on va célébrer d'autres choses. On célébrera bien sûr certainement d'autres anniversaires. Mais voilà, ça c'est l'ultime objectif pour pouvoir conclure. Et bon, on compte sur les très jeunes générations qui viennent à Fadjet. Je le disais tout à l'heure, ceux qui ont 7-8 ans, les stagiaires de 3e, on va essayer de les garder ici. Allez, ça y est, on arrive là. C'est vraiment, on arrive sur un décompte. On a perdu notre voix off, mais voilà, il nous reste 5 minutes à peine de direct. Et on aura fait ces 40 heures. Petite surprise donc. Alors, on vous le dit depuis vendredi soir, on vous l'annonce. Hein, donc, on a une chanson pour vous. On a préparé une chanson. En tout cas, Benoît a eu envie aussi de reprendre un texte, de l'adapter pour Fadjet. Et voilà, on va le chanter. Alors, par avance, pardon, on risque. Nous ne sommes pas des chanteurs professionnels, ça va être un chant collectif, mais le cœur y sera. Il y aura sûrement des fausses notes, mais voilà, c'est aussi ça, on voulait terminer, parce que Fadjet, c'est le rassemblement de plein de gens, et c'est grâce à ça que Fadjet tient. Donc on voulait aussi conclure comme ça avec tout le monde. Et donc c'est notre cher Benoît qui a écrit ces paroles. Rapidement, Benoît. Ouais, c'est quand j'ai entendu la nouvelle chanson des Enfoirés, j'ai trouvé qu'elle collait très bien à notre maison. J'ai modifié quelques paroles pour l'adapter, et donc ça donne notre radio demain, puisque on a fait un hashtag 80 ans